Scan, troisième jour. Quelle heure il est ? 9h30 AM. Wow, déjà ? Non, mais j'avance un peu. Toutes les légendes du 7e art. Je l'ai pas fait exprès, patron, c'est un accident. Je ne vous parle pas de la princesse Valérie. Sont sur Canal Cinéma. Qu'est-ce que c'est que ça ? Zizette épouse X. Zizette épouse X. Vous savez pas lire ? Canal Cinéma.